Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue, les portes du Blues Café sont ouvertes. Nous sommes au Millennium de l'île d'Abo en live et en public. Cédric, notre invité de ce soir, ferait en quelque sorte partie de la famille du Blues Café, car à chaque nouvel album, eh bien, allez, faut bien l'avouer, il aime à venir ici le présenter dans la chaleur torride du Millennium. Oui, Francis. Et nous en sommes ravis, on le dit souvent qu'il a une carte de fidélité au Blues Café. Ouais, et je pense que ce soir, il va pouvoir avoir son repas gratuit. C'est Manu Lanvin qui est notre invité, il sera entouré de ses fameux Devil Blues et il est venu aussi avec du renfort. Et quel renfort ? En effet, sur la scène du Blues Café, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Mac Latrelle au clavier, Marco Ballon à l'harmonica, Nicolas Bélanger à la basse, Jimmy Montou, l'incroyable batteur des Devil Blues. Et naturellement, le grand et le généreux Manu Lanvin. Thank you. go. All right. Invité ce soir dans le Blues Café, monsieur Manu Lanvin, et c'est Devil Blues, et on est très très heureux de l'accueillir une nouvelle fois. Merci de me réinviter, surtout. Tu connais la route maintenant ? On connaît bien le chemin. Plus ouais. besoin de GPS. On y va, les yeux fermés. Bon, en tout cas, nous, on aime bien quand tu viens présenter ton album en exclusivité dans Blues Café. Ça nous fait grand plaisir. D'ailleurs, ça représente quoi pour toi, de venir au Blues Café présenter un album ? Ce point de départ, c'est le départ de mon histoire, quoi. Elle commence un peu avec toi. Elle commence aussi avec toi. Elle commence avec vous. Je m'en rappelle, non, mais c'est une vérité. J'ai ce souvenir de Francis qui a contacté Robert Moriès du... Cognac Blues Festival et Cahors, puis Cahors, excuse-moi, oh là là, quelle grande tire erreur. Tu vois, on en fait tellement qu'à un moment on ne sait plus. Et ça a été le début de la belle aventure pour le Devil, qui déjà parcourait les routes, mais bon, ça ramait un peu, tu vois. On ne faisait pas autant de kilomètres qu'on en fait aujourd'hui, donc c'est grâce à vous. Donc il ne faut jamais perdre vu et oublié de là où on vient. Et donc mon histoire a commencé chez vous, les copains. Alors en tout cas, ce nouvel album qui sort le mois prochain, comme on l'a dit, en février, se nomme Grand Casino. Alors je le dis à la française, je ne sais pas si toi tu le dis Grand Casino. Encore un lieu dépravé où tu aurais tout perdu? Non, absolument pas. On est rentré dans ce studio d'enregistrement qui est effectivement dans le domaine du casino de Forges des Eaux, sans avoir de véritable envie ou de projet de faire un album. On nous a ouvert les portes de cet endroit car on y jouait souvent. Il y avait un studio d'enregistrement. On s'est dit, tiens, on va peut-être enregistrer quelques covers, quelques reprises que l'on joue souvent sur scène, comme Spoonful, que vous venez d'entendre, comme Highway to Hell. Et donc, du coup, on était pas mal dans cet endroit. La nature aussi autour, même si on était dans un casino. Il y avait du matos assez vintage, des gens sympathiques, des belles chambres d'hôtel. Et on en a profité allègrement. Et on devait faire 3 titres et finalement, on a fait un album. Alors tu dis, il y a des reprises, on en a entendu 2 en ouverture de cette émission. Il n'y a pas que des reprises, il y a aussi des chansons originales qui viennent s'ajouter à ces reprises. Comment se fait ce mélange entre reprises et chansons originales? À vrai dire, après on s'est dit tout de suite, bon, pour essayer de gagner du temps, profiter du lieu puisqu'il est à notre disposition, on va essayer d'enregistrer que des covers, quoi. On en a plein, on en fait souvent avec le David Blues pour un peu varier les plaisirs de concert en concert. Et puis je me suis dit quand même, c'est con, il y a une super console, il y a du super matos, il y a des super micros, il y a des chouettes gens. Donc je me suis mis à composer pendant la nuit des morceaux originaux en me disant, et si je proposais à des copains ou des gens qui sont pas encore des copains de venir me rejoindre sur certains titres. Et donc on fantasme toujours dans cet état d'esprit dans lequel on est. Et j'ai dit, tiens, il y a un morceau, ça m'inspire Taj Mahal, est-ce que Taj Mahal aimerait bien venir, accepterait de venir chanter avec moi? Bingo, Taj Mahal m'a fait l'honneur de venir sur l'album. Pas que Taj Mahal, pas que Taj, mais pareil, ça a été un enchaînement positif et heureux pour moi. J'avais envie d'une femme qui me donne la réponse sur un titre où il s'agit d'une dispute un peu dans un couple, ce qu'on connaît tous. Et j'ai dit, il y en a qu'une Francis seule. Donc Francis et moi, ça ne nous est jamais arrivé, hein. Il n'y en a qu'une seule qui pourrait endosser le rôle et je tripais bien évidemment comme vous tous ici sur Beverly Joe Scott qui m'a dit pas de problème Manu, bon j'ai un planning compliqué mais je vais me démerder, je vais venir enregistrer un titre avec toi. Elle est venue, ça a été un moment extraordinaire avec elle et puis voilà, et la suite ça m'a en dégoûté beaucoup. Je suis désolé pour mes collègues, mes partenaires, les autres groupes qu'on aime, les autres artistes, mais voilà, j'avais envie aussi de me frotter à Popa Chubby parce que c'est un sacré morceau le mec quoi, et je me suis dit tiens comment pour elle approcher, et j'ai envoyé une version de Spoonful qui est une reprise sur le coup et il a dit ok, je suis en tournée là dans les parages, j'arrive mon pote, on va faire le morceau ensemble. Alors quand tu dis dans les parages, j'imagine que là il y a un lien avec ton propre studio à toi, ouais, qui sûr. Est le studio de la chocolaterie, j'imagine que tous ces gens-là ne sont pas allés à Châles-les-Eaux quand même. Non, on aurait pu les inviter à Forges-les-Eaux, ça aurait fait plaisir à toutes les personnes qui nous ont accueillis là-bas, mais pour des raisons praticité, on va dire, le fait de pouvoir avoir le studio à Paris, ça a été simple. Et puis il y a une petite cerise sur le gâteau qui vient de se rajouter sur ce magnifique gâteau qui est Grand Casino. Il y a une semaine, j'ai appelé mon vieux pote. Sur le coup, on était déjà pote avant. J'ai appelé Polo. Je dis putain, tu m'as mis en tête de peut-être refaire un titre, de me réessayer en français. Paul Pearson, tu veux. Ouais, j'allais le dire. Et donc, j'ai envoyé un titre, et puis il a craqué sur le texte, et il m'a dit, qu'est-ce que t'attends de moi? Parce que le morceau, il est bien comme ça. Ben, j'attends que tu viennes. Et donc, Paul Pearson m'a fait l'immense plaisir de venir achever avec moi le dernier track, le 13e titre de l'album, qui parle de diable, bien évidemment, comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Et c'était super. On sort de studio, je vous dis franchement, bon, ben là, au moment où l'émission est diffusée, on est déjà en février. Mais ça, c'était vraiment un imprévu. Je pensais pas avoir mon copain Paul, et finalement, je l'ai. Donc, je suis très, très content d'avoir tous ces gens que j'aime autour de moi. Ça parle le diable, on a entendu Highway to Hell il y a quelques instants. Il y a 13 titres sur cet album, il y a un petit peu de superstition derrière tout ça. Bah ouais, Casino, le chiffre 13, moi c'est un chiffre moi qui me porte pas malheur, et voilà, je joue avec ce genre de d'inconscient collectif qu'on a tous. Moi le chiffre 13 m'accompagne plutôt bien, alors je me suis dit l'album ne dépassera pas 13 titres. Alors justement sur cette reprise que tu viens de faire d'ACDC, il y a aussi la guitare d'un autre de tes amis zappé. Que t'as oublié de citer. Bah ouais, on était en studio donc ce fameux après-midi où je refaisais quelques voix sur le coup à la chocolaterie, et et j'ai Johnny Gallagher qui qui pointe son bout de, qui pointe son nez comme ça au studio en disant qu'est-ce qui se passe dans ce studio et tout. Et puis je lui ai fait écouter la version qu'on en faisait, qui est une version quand même un peu décalée de la version originale bien évidemment, et je lui ai dit tiens, j'avais une Télécaster, je dis vas-y fais-moi un petit truc dessus. Bien évidemment il a pris la guitare et il nous a fait un truc super. Alors nous, on a eu, naturellement, nous sommes des privilégiés parce qu'on a eu la chance de pouvoir écouter toutes les plages de cet album qui va bientôt sortir. Franchement, on a vraiment eu l'impression, puis tel que tu viens de parler de tous ces artistes, que c'est un album pour te faire plaisir, pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir. Mais depuis longtemps, depuis le projet du Devil Blues, il faut savoir que c'est un projet qu'on a monté pour qu'on se fasse plaisir. J'en avais marre de faire ces concessions avec les maisons de disques que j'ai tenté sur les premiers albums, mes premiers albums personnels. Et le Devil Blues, c'est une aventure qui commence avec Jimmy, bon, Gabi aussi qui s'est forgé après, et on est parti vraiment de rien, quoi. On est parti à jouer partout où on pouvait nous accueillir, où il y avait une prise, on pouvait brancher un petit ampli, une grosse caisse, une Charley, en two man's band, on y allait. Et pour rien au monde, je referai aujourd'hui de la musique par obligation, c'est-à-dire que c'est vraiment mon choix, je ferai de la musique tant que ça me fait plaisir, parce que si tu te fais pas plaisir à enregistrer les albums, c'est compliqué de communiquer cette émotion et cette énergie positive aux gens. Donc c'est fuck à tout le système des maisons de disques qui m'ont boudé pendant très longtemps, qui aujourd'hui essaient de me racheter un peu comme ça, là, bien sûr. Ah, Manu Lanvin, ça nous intéresse. Non, on continue notre histoire avec mes partenaires de tous les jours et on fait des amusiques qui nous amusent, qui nous éclatent, parce que notre trip à nous, c'est de vous faire plaisir, les amis. Mais en plus, il y a... Je disais qu'on sentait bien, ce plaisir que tu avais eu de faire cet album, mais on sent aussi que ça se fait dans la bonne humeur, ouais. Que tu prends ton pied, quoi, en quelque sorte, et qu'il y a une forme de spontanéité aussi dans les titres. Bah, déjà, il faut savoir que la collaboration avec Mac Latrell, qui est ici, oui. Et Diabolo, que j'ai ramené sur l'album, Diabolo n'est pas ce soir, mais c'est Marco Ballant qui le remplace, ouais, ils sont potes, ils sont causés avant, ils ont dealé ensemble pour que ça puisse se faire comme ça, et c'est tant mieux. Mais bien évidemment, on avait décidé d'enregistrer cet album en live, c'est-à-dire enregistrer tous ensemble, c'est-à-dire décider des choix d'arrangement de la place de chacun ensemble. Vous savez que le Devil Blues à la base c'est un trio, comme vous le savez pour ceux qui nous ont vus sur scène, et là j'avais envie de tenter quelque chose de plus coloré, juste sur cet album, une parenthèse un peu colorée, parce qu'on pense souvent que le blues c'est quelque chose de plombant, le rock and roll quelque chose de teigneux et de haineux, mais peut-être dans le bon sens du terme. Et je me suis dit on va essayer de faire un album qui respire quelque chose de positif, et c'est ce qu'on a tenté de faire. Je sais pas si on l'a réussi. Pour l'avoir écouté, si. Nous écouté. Et je pense que c'est beaucoup aussi l'apport des autres parties d'orchestre sur cet album. Finalement, on peut dire que c'est un album en quintette. On oublie aussi quand même un mec qui est venu poser quelques slides et qui est mon pote de longtemps, parce qu'on a tourné une époque ensemble, qui est Jérémy Lacoste. Bon, pour le coup, il est le fils de Polo, de Paul Persson. Et j'avais besoin d'un slide, et moi j'avais repéré que Jérémy, il avait un vrai talent de ça. Il a tourné avec plein d'artistes français, pas forcément issus du blues et du rock and roll. Et il est venu, bref, j'avais envie de travailler qu'avec des gens que j'aime, et on a ce grand privilège là aujourd'hui avec le Devil Blues, et pourvu que ça continue, on peut choisir les gens avec qui on veut travailler, et je continuerai l'histoire comme ça. Après, si on veut plus que ça se passe comme ça, j'irai monter une pizzeria ailleurs, et puis vous viendrez tous et on fera la musique qu'on veut. Voilà, c'est Manu, aussi simple que ça. The Devil Pizza, ça serait un bon titre. Bah ouais, le Pizza Blues Café. Pizza Blues Café, pizza ça brûlée. Pourrait le faire. Manu, on va te laisser rejoindre la scène, et puis tu sais, dans cette émission, on aime bien aussi parler un petit peu de l'actualité musicale, et on essaye d'aller chercher dans les nouveautés que l'on reçoit des titres qui peuvent plaire à nos invités. Donc on a choisi un groupe qui s'appelle The Record Company, je sais pas si tu connais ce groupe là et je pense que tu vas beaucoup aimer ce titre. Il s'appelle I'm Getting Better and I'm Feeling It Right Now. Merci pour ce titre à rallonge, les Record Company. On les écoute, ça te laissera le temps, le titre est moins long à jouer que à prononcer, de rejoindre la scène du Blues Café. The Record Company. I'm getting better and I'm getting better and I'm getting better and I'm feeling it right now. I'm getting better every day. I'm getting better every day. today. I've been thinking every day, why don't you send me some grace, man? The more I try to do it, Lord, you get in my way. Records Company dans le Blues Café Live. On retrouve sur la scène du Millennium de l'île d'Abo Manu Lanvin et ses Devil Blues en live et en public. We've been on so many mountains. Been through more than we could expect. It changed my life, it changed my way. Give me a child, I'll give you love and respect. But I never took the time to look down the road, knowing there was trouble ahead. Keeping all the world inside, maybe something should have been said. When the bad thing is done, when the tale is gone, when it's too late, what comes to the end. A cold night I'll never forget. You can't say I wasn't faithful. Was I a fool to give you tenderness? We've been over so many mountains, so I'll leave you with all my regrets. When the bad thing is done, when the faith is gone, when it's too late, it's come to the end. When it's too late, Shake my soul, shake my soul, shake it voodoo. Manu Lanvin de Devil Blues. Ils sont nos invités ce soir dans le Blues Café Live. Et on est très heureux de les accueillir comme à chaque fois. On va demander à Manu Lanvin de nous rejoindre ici. On va effectivement parler de cet album Grand Casino. Manu, on avait l'impression, effectivement, avec cette aventure du Devil Blues que tu avais mis un pied dans le blues. Avec cet album Grand Casino, j'ai l'impression que tu sautes à pieds joints dedans, complètement. Je sais pas quoi te dire. J'ai pas de vision aussi précise. Comment on fait les choses. Je calcule rien, moi, tu sais. J'aimerais bien calculer, faire une stratégie d'un nouvel album, il faut faire ci, tout ça. Je pense que le fait d'avoir revisité aussi les standards, on a quand même cinq standards, des morceaux qu'on jouait beaucoup avec le Devil Blues et qu'on n'avait jamais eu l'occasion de bien enregistrer, c'est sûr que c'est un petit retour aux sources, quelque part. Old school, un peu. En même temps, on l'a fait à notre manière, avec la ténacité, l'énergie électrique du Devil Blues. Peut-être que là, il y a des clés encore pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour entrer dans cette musique-là, des gens même des non-initiés. Là, on a la chance ce soir, alors les gens qui connaissent ça par cœur, dès que je cite un artiste qui a collaboré, il, bien évidemment, le public les connaît, mais en espérant qu'on va pouvoir aussi remettre les gens dans les musiques authentiques, les musiques de l'âme, que ce soit le blues, mais que ce soit la soul, que ce soit la funk, que ce soit le vrai rock'n'roll. Car je pense que c'est quelque chose qui est presque dans nos codes génétiques. Et on dirait que la vie, la modernité nous a emmené un peu loin de tout ça. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'entends dans les radios. J'ai l'impression, en tout cas, ça ne correspond pas à mes codes génétiques à moi. Pas notre radio à nous, en tout cas, parce qu'on essaye justement de faire l'inverse. Tu l'as dit, en fait, peut-être que ce qui change, c'est que tu avais, avec les Devil Blues, l'habitude de jouer ces morceaux. Souvent, un artiste, quand il rentre en studio, il expérimente un peu les morceaux en studio et après, il les joue en live. J'aimerais qu'on parle de ce morceau que tu viens de jouer, Shake It Lady. Quand je l'ai entendu sur le disque, j'ai réécouté tes anciens disques parce que j'avais l'impression que tu l'avais déjà enregistré. Non, mais parce qu'on en fait, c'est parce que je t'ai beaucoup vu en concert. Parce qu'on l'a. C'est un morceau qui est d'ailleurs qui est né en concert. Shake It Lady, c'est une tournée, c'est un vrai boogie blues qui a été composé, voilà, avec Jimmy Nicola. Finalement, on a toujours tourné ce truc-là. J'étais un peu inspiré quand même indirectement par John Lee Hooker sur plein de choses et qui m'ont donné envie d'avoir cette pulsation un peu comme ça, très speed et très teigneuse. Et c'est vrai qu'on l'a joué beaucoup de fois sur scène. Alors, si on va sur internet, on trouve déjà pas mal de vidéos. Oui, voilà, mais on ne l'avait pas encore enregistré. Donc ça a été l'occasion pour nous de le faire. Il y en a d'autres comme ça, parce que finalement, ta palette de reprises est assez large, avec des reprises très, très revisitées, si je puis dire, puisque bah, les Stones, Satisfaction, et ce morceau... alors, on a une petite différence avec Cédric. D'âge. Oui, d'âge, déjà. Moi, j'ai adoré. De fiancé aussi, quand même. Aussi. J'ai adoré cette version que je trouve un peu plus dans la retenue que l'original et avec ce rythme peut-être plus chaloupé, presque latinos. Ouais, mais t'as vu comment ça finit, hein. Ça finit un ça peu. Ça finit toujours mal. Ça finit bien vénère quand même. Hein, sur, c'est que t'as pas écouté la chanson jusqu'à la fin. C'est le recalé, Francis. Non, oui, ça commence un peu tranquillement et voilà, c'est comme ça qu'on le jouait avec Jimmy et Nicolas. Dès qu'on avait envie, en rappel, de faire ce titre des Stones, on le jouait comme ça. Ça nous venait naturellement. On a envie de l'interpréter comme ça. Donc après, on a un peu poussé le bouchon plus loin, mais à la fin, on est dans un truc bien. Rhythm and blues quand même. Quand tu fais une reprise, est-ce que tu écoutes d'autres reprises? Il m'arrive de le faire, je l'ai fait pour Spoonful, j'ai écouté plein de versions différentes pour essayer de piger un peu comment les autres, d'autres artistes avaient abordé la question de reprendre ce titre de Willie Dixon. Maintenant, j'essaie de pas trop écouter parce que j'ai toujours peur de retrouver une version qui est mieux que celle que nous on propose. Alors du coup, j'aurais vite envie de la mettre à la poubelle et effectivement on est attaché à cette idée qu'on joue régulièrement avec le Devil Blues. Le Rock Me Baby, c'est avec Papa Chubby. Non, c'est avec Spoonful, c'est avec Spoonful, Papa Chubby. Oui, Spoonful, c'est avec Papa Chubby. Comment ça s'est passé justement autour de ce titre? Est-ce que c'est toi qui... Il s'est collé à ce que tu voulais faire ou est-ce qu'il y a eu un... Non, j'ai envoyé plusieurs titres à Ted. Ted, c'est son vrai prénom pour ceux qui le connaissent un peu plus que sous le nom Papa Chubby. Et je lui ai donné plusieurs titres. Je lui ai dit, voilà, écoute, vois celui qui t'inspire le plus. Et il m'a tout de suite dit, il n'a même pas hésité, ça sera Spoonful. Pourquoi? Parce qu'il le joue beaucoup, ce titre, et il l'aime beaucoup. Alors, j'ai dit, bah, cool. Par contre, on l'a revu un peu ensemble. Il y a un jeu de questions-réponses qui n'existe absolument pas dans toutes les versions que j'ai entendues. Et ça nous a plu de faire ce petit ping-pong. ça nous a plu de faire ce petit ping-pong. Ça a été pensé en studio lorsqu'on s'y est collé ensemble, quoi. Et je tiens juste à dire un truc, c'est que moi je pensais que Ted allait prendre sa guitare, qu'il allait jouer. Et il a écouté le scud, enfin le scud, il était pas encore un scud, quoi. La chanson telle qu'on elle était enregistrée. Mais non, c'est cool, tout ce que j'entends, ça me plaît, harmonica, guitare. Alors quand on a un mec comme ça qu'on a écouté toute sa jeunesse, parce que moi Papa Chubby, ça fait longtemps quoi qu'on entend les albums de Papa Chubby. Je me trompe ou pas? Il en sort aussi beaucoup. T'as un truc, oui, mais moi je crois que j'étais adolescent, qu'il y avait les albums de Papa Chubby qu'on écoutait. Et c'est un mec, j'ai rêvé un genre de mec, quoi. Je me suis dit, putain, j'aimerais bien un jour approcher ou faire comme lui ou suivre ce chemin. Et un jour, il est dans votre studio, le Papa Chubby, assis sur votre canapé. Et il vous dit, non, mec, c'est cool. Moi, ce que j'entends, ça me plaît. Je touche pas la guitare, je vais juste chanter. Autre icône, quand même, Taj Mahal. Taj Mahal, c'est la grande classe. Taj Mahal, il a une discographie énorme. C'est curieux parce qu'en Europe, lorsqu'on parle de Taj Mahal, les gens connaissent pas beaucoup. Ils connaissent, vous connaissez, mais moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous parlez à n'importe quelle personne, même un non-initié du blues et du rock'n'roll, Taj Mahal, tout le monde connaît. Ils disent waouh, t'as fait un duo avec Taj. Je dis ouais, il est venu chez moi et on a chanté ensemble. Et donc pour moi, c'était un honneur énorme parce qu'il a une discographie incroyable. Il a joué avec les plus grands. Il est invité de tous les gros. Dès qu'il y a un tribute, il est là. C'est une entité incroyable. C'est un mec génial. Et comme tous ces grands messieurs, ils arrivent en studio avec une vraie humilité. Petite anecdote. Vous en voulez une? Allez. J'envoie à Taj Mahal. J'envoie un email avec le morceau tel qu'il est, le duo que je veux lui proposer. Je le mets en pièce jointe. Mais je mets aussi un petit descriptif de là où on en est. Je lui mets un clip vidéo pour voir dans quelle histoire il va, quoi, tu vois. Et il arrive le jour J au studio et il dit à ses deux filles qui étaient là, ah oui, il y a ces deux filles qui ont rangé sur l'album, Diva Mahal et Zoé Mahal, ouais, qui sont venues chanter aussi. Il vient s'installer et il dit à ses filles, quand j'ai écouté le morceau de Manu dans la rue, en train de descendre la rue de Pigalle, et dans mon quartier, j'ai dit, il faut absolument que je chante sur ce morceau. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu un moment de panique parce que j'ai dit, va pas chanter sur ce morceau. Ça, c'est déjà fait. C'est un autre morceau. Donc, il a pas ouvert la pièce jointe, le mec. J'ai dit, quand on va l'écouter, il va peut-être me dire, ah ben, c'est pas ce que j'ai entendu. Non, c'est passé comme une lettre à la poste. Il est arrivé, one take, good take. Voilà, c'était bon, c'était vu, il a pris le take. Mais par contre, j'avais fait en sorte, sur ce morceau, je m'en rappelle très bien. Command Down. Ouais, de So Command Down, j'avais vraiment essayer de prendre les chaussons de Taj Mahal. J'ai dit, tiens, quel type d'harmonie, quel type de mélodie lui plairait? Et honnêtement, dès qu'il s'est mis derrière le micro, quand je vous dis qu'on a fait deux takes, maximum on a fait deux takes, et c'était dedans, parce qu'il était dans, je pense qu'il était dans son exactitude, et dans la nôtre du coup, en venant se prêter au duo. Un dernier titre aussi que j'ai trouvé différent de l'original, mais c'est bien, c'est Rock Me Baby, plus énergique, très énergique, hein. Ouais, là, c'est une version un peu vénère. Hein. Rock Me Baby, mais très, très énervé. Ouais. C'était quoi, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah, c'est comme une invitation à la sauvagerie dans une chambre, quoi. Donc, faut y aller, quoi, tu vois. Si tu vas petit bras, si tu vas petit bras. Mais c'est vrai que souvent, il ne vaut pas y aller trop grande gueule. Parce qu'après, tu vois, si t'assumes pas, peut avoir des illusions dans la chambre d'hôtel, quoi. Bon, dis-moi, tout à l'heure, tu me l'as envoyé quand même haut, là, les mots et tout, la totale. Se passe quoi, là? Mais. Dans les titres, il y a quelqu'un également, enfin dans les titres, il y a ce titre The Devil Does It Right, on est encore dans le diable. Ça nous a fait très plaisir de voir que tu as invité cette grande dame qui ne fait pas suffisamment parler d'elle en France, mais c'est qui une est énorme une immense star en Belgique, notamment. Mais Beverly, pour moi, c'est une énorme star. On s'en fiche qu'elle soit connue. Moi, je pense qu'elle est au niveau des plus grandes chanteuses au monde de blues. Pour moi, c'est une diva du blues. J'en ai même parlé avec Paul Persson récemment et on est du même avis. Alors certes, elle est connue en Europe, elle a beaucoup tourné à l'époque en France, mais elle mérite beaucoup plus que ça. Elle mérite de faire des scènes internationales, de jouer dans le monde entier. Je vous assure qu'on l'a vu travailler, Paul, il s'est beaucoup frotté à elle, moi peu. Mais je vous assure, quand elle arrive en studio et qu'elle chante dans le micro, elle met tout le monde d'accord. C'est une grande classe, Beverly Joe Scott. Donc, bien évidemment qu'on est content. Et peut-être qu'on va pouvoir se faire une belle histoire, elle et moi, sur ce titre. J'espère. En tout cas, c'était un chouette moment passé avec elle. C'était génial. Quand même pas au fond d'une chambre, Rock Me Baby. Non, ça n'a pas fini au fond d'une chambre avec Rock Me Baby. Mais vous savez, quand une femme comme ça, elle est un tout petit peu plus âgée que moi, on va dire, chante avec ce charisme et cette sensualité... vous avez un petit moment de doute quand même. Vous dites, tiens, et si j'y allais quand même? Enfin, si je tentais, là, je tentais ma chance, quoi. Parce que là, vous dites, si elle... À un moment donné, on se pose la question, parce que c'est ça le talent de cette chanteuse-là, c'est de transpirer quelque chose à la fois très féminin, désespéré dans la voix aussi, dans l'intention, elle a beaucoup de rock, elle a une voix rocailleuse, Beverly. D'ailleurs, elle a fait un tribute à Janis Joplin qui est très réussi. Un spectacle aussi. C'est peut-être un triple album, hommage à Janis qui était extraordinaire. Et pour moi, elle a une palette énorme, et puis en plus, c'est une femme merveilleuse qui aurait pu m'intimider, parce qu'elle est aussi coach vocal. Moi qui suis un vrai punk à la voix, The Voice, si tu veux. Non, c'est ça. The Voice en Belgique. Tu dis d'un seul coup, t'as quand même la coach The Voice qui est là, quoi, à côté de toi. Mais non, elle a été top. Elle m'a dit des choses qui m'ont tout de suite mis à l'aise. Et c'est très, avec beaucoup d'aisance que j'ai chanté à côté d'elle. Manu, on t'a vu plusieurs fois avec un concept musical très intéressant où tu as invité beaucoup de guests. Ça a été le cas à Cahors cet été. J'étais venu également te voir à Avignon avec ce principe-là. Il y a des guests sur ce concept, notamment Hensley Lister, Gail Buswell, J.J. Thames. Pas forcément des noms que l'on retrouve sur cet album. Tu dissocies les deux concepts. Est-ce qu'un jour, tu aimerais faire un album, peut-être live, avec ce concept de Manu Lanvin and Friends? Ah non, mais je ne désespère pas. On en a beaucoup parlé avec Francis. Je pense que cet album pourrait faire l'objet d'une sacrée belle soirée, quoi. Si on arrive à réunir à l'affiche Taj Mahal, Popa Chubby, Beverly Joe Scott, Johnny Gallagher et Paul Persson, je pense que là, on fait ouais. À mon avis, l'Olympia n'est plus assez grand. Je voulais pas le dire, mais je savais que tu pensais. En ce cas-là, on a un petit jardin juste en face du Millennium. On organise quelques fois des concerts avec Francis. On viendra faire l'avenir partie, promis. Alors voilà, moi, ambitionnons là Tony Garnier, et on viendra faire l'after ici chez vous. Ça. Alors, sur ces concepts, je ne sais pas si c'est le mot qui convient d'ailleurs, c'est cette fête avec des amis. Parfois, on peut se louper aussi, hein. J'ai trouvé, et je me souviens de te l'avoir dit à Cahors d'ailleurs, tranquillement au bord du Lot, j'ai trouvé ce qui m'avait bien plu, c'est que tu avais bien mis au cœur du dispositif les Devil Blues, finalement, ces musiciens qui t'accompagnent tout le temps, sans qui tu pourrais peut-être pas non plus avoir la carrière que tu fais actuellement. Oui, bien sûr, blues, non, mais d'ailleurs, des tonnerres d'applaudissements pour mon pote, mon frère depuis toujours, Jimmy Montou. Jimmy et Nicolas. Bien sûr, et Nicolas Bélanger, voilà, c'est le cœur du Devil Blues. Il faut savoir que bon, Nicolas, il commence à y avoir bouffé un peu le bitume avec nous, mais Jimmy, on est parti de sa bagnole avec la grosse caisse, essayer de caser les amplis. C'était une sacrée aventure quand on y repense. On jouait partout, dans les campings, au coin de la rue, mais ça a été le début de l'aventure, quoi. Non, c'est vrai, non, on a fait quoi d'autre? Les clubs échangistes aussi, je crois, une fois. Encore au fond d'une chambre, Rock Me Baby, bon. Non, on a fait les hôtels, on a fait des trucs tellement différents. Il manque plus que les stations-service. Encore, ça aurait été terrible, les stations-service. Parce que finalement, il n'y a pas de mauvais lieu pour faire de la musique. C'est une musique, le blues, le rock'n'roll qui se joue dans des milieux underground, qui peut se jouer au coin de la rue. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, bon, je tairai son nom, un musicien, on va dire, qui me disait, faut pas que Manu Lanvin il joue comme ça dans les petits lieux, dans les trucs comme ça, mais fuck off, quoi. Je veux dire, non, ça se joue partout. Moi, si demain je dois reprendre mon tabouret, me mettre en bas de ma rue devant la brasserie L'Époque, prendre ma guitare, ma grosse caisse et mon charlet, je le ferai, quoi. J'hésiterai même pas, parce que on vient de là. Non, mais vraiment. Moi j'ai rencontré un mec que j'aime beaucoup qui est Terry Harmony Cabin. Terry Harmony Cabin, avec qui j'ai joué à Clarksdale. Et voilà, j'ai compris très vite que les musiciens aux États-Unis sont un peu moins vernis que nous, parce qu'ils n'ont pas les intermittences, ils n'ont pas tout ça. Alors, de temps en temps, ils peuvent jouer, tu vois, sur le Crossroads Festival devant 70 000 personnes. Mais il n'empêche que le lendemain, ils n'ont pas d'autre choix que peut-être aller jouer devant le magasin d'électroménager. Moi, j'ai vu ça à Clarksdale. À payer l'électricité. Tu payes l'électricité pour jouer, quoi. C'est pas genre un mec qui te donne l'électricité. Non, tu payes le mec qui te file l'électricité, tu mets ton sound system, tu mets ton chapeau et roule ma poule. Mais et alors ? C'est super. Ou dans un café où les gens regardent le match de foot. Où les gens mangent aussi. On a droit aussi aux gens qui mangent devant nous. Et c'est un peu le cas, par exemple, de Popa Chubby, hein, tu le disais, qui vient sur des très très grandes scènes en Europe, mais qui, à New York, continue de jouer dans des petits bars. Et je pense qu'il prend aussi plaisir à ça. Manu Lanvin, on passerait volontiers la nuit avec toi, pas dans une chambre d'hôtel, parce que le Rock Me Baby me fait un petit peu peur, personnellement. Mais on va te proposer de rejoindre la scène pour deux derniers morceaux. On te remercie vraiment beaucoup. Allez. On rappelle le nom de l'album, Grand Casino, qui doit sortir donc le mois prochain, en février. Okay. C'était ce soir le Blues Café de Manu Lanvin, un The Devil Blues. On peut les applaudir très fort. Il y avait Mike Latrell au clavier. Marco Ballon à l'harmonica. Nicolas Bélanger à la batte. Et l'incroyable Jimmy Montu à la batterie. Merci à toute l'équipe du Millennium. On se donne rendez-vous très bientôt. Venez nous rejoindre sur le www.bluesactu.com. Et s'il le veut, on laisse la scène pour un dernier titre à Manu Lanvin, à The Devil Blues. Mais ça, il faut le mériter, les amis. À bientôt. Ciao. Tradition, we want.